Vladimir revient et renverse le pliant d'un coup de pied. Puis il va et vient avec agitation. Il n'est pas content. Tu as raté des choses formidables, dommage. Vladimir s'arrête, redresse le pliant, puis reprend son va-et-vient, plus calme. Il s'apaise. D'ailleurs, tout s'apaise. Je le sens. Une grande paix descend. Pendant. La nuit ne viendra-t-elle jamais ? Ah, mais il est temps que je vous quitte si je ne veux pas me mettre en retard. Le temps s'est arrêté. Ne croyez pas ça, monsieur, ne croyez pas ça. Tout ce que vous voulez, mais pas ça. Il voit tout en noir aujourd'hui. Sauf le firmament. Mais patience, ça va venir. Mais je vois ce que c'est. Vous n'êtes pas d'ici, vous ne savez pas encore ce que c'est que le crépuscule chez nous. Voulez-vous que je vous le dise? Et je veux bien vous satisfaire. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a, ce fouet? Ah, il ne vaut plus rien, ce fouet. Voyons. Qu'est-ce que je disais? Partons. Mais ne restez pas debout comme ça, vous allez attraper la crève. C'est vrai. Comment vous appelez-vous? Catulle. Ah oui, la nuit. Mais soyez un peu plus attentifs, je vous en prie, sinon nous n'arriverons jamais à rien. Regardez! Veux-tu regarder le ciel, pas? Bon, ça suffit. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? En tant que ciel, il est pâle et lumineux, comme n'importe quel ciel, à 7 heures de la journée, dans ses latitudes, quand il fait beau. Il y a une heure, environ, après nous avoir déversés depuis, mettons 10 heures du matin, sans faiblir des torrents de lumière rouge et blanche, il s'est mis à perdre de son éclat, à pâlir toujours un peu plus, jusqu'à ce que... V'là fini, il ne bouge plus. Mais derrière ce voile de douceur et de calme, la nuit galope et viendra se jeter sur nous comme ça au moment où nous nous y attendrons le moins. C'est comme ça que ça se passe sur cette putain de terre. En attendant, il ne se passe rien. Vous vous ennuyez? Plutôt. Et vous, monsieur? C'est pas folichon. Messieurs, vous avez été convenable avec moi. Mais non! Quelle idée! Mais si, vous avez été correct. De sorte que je me demande que puis-je faire à mon tour pour ces braves gens qui sont en train de s'ennuyer. Même un louis serait le bienvenu. Nous ne sommes pas des mendiants. Que puis-je faire? Voilà ce que je me dis pour que le temps leur semble moins long. Je leur ai donné des eaux, je leur ai parlé de choses et d'autres, je leur ai expliqué le crépuscule, c'est une affaire entendue et j'en passe, mais est-ce suffisant? Voilà ce qui me torture. Est-ce suffisant? Même sans sous. Tais-toi! J'en prends le chemin. Est-ce suffisant? Sans doute. Mais je suis large, c'est ma nature, aujourd'hui. Tant pis pour moi. Car je vais souffrir, cela est certain. Bon, que préférez-vous? qu'ils dansent, qu'ils chantent, qu'ils récitent, qu'ils pensent, qu'ils... Qui vous savez penser, vous autres? Ils pensent. Mais parfaitement, à haute voix. Ils pensaient même très joliment autrefois. Je pouvais l'écouter pendant des heures. Maintenant... Alors, vous voulez qu'ils nous pensent quelque chose? J'aimerais mieux qu'ils dansent, ce serait plus gai. Pas forcément. N'est-ce pas dit que ce serait plus gai? J'aimerais bien l'entendre penser. Il pourrait peut-être danser d'abord et penser ensuite, il ne sait pas trop lui demander. Est-ce possible? Ah, mais certainement, rien de plus facile. Et c'est d'ailleurs l'ordre naturel. Alors, qu'il danse. Tu entends? Il ne refuse jamais. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Danse, poitre! Lucky dépose valise et panier, avance un peu, se tourne vers Pozzo. Estragon se lève pour mieux voir. Lucky danse. Il s'arrête. C'est tout? Encore! Lucky répète les mêmes mouvements. Il s'arrête. Eh ben, mon cochon, j'en ferai autant. Avec un peu d'entraînement. Il est fatigué. Et autrefois, il dansait la farandole, l'almée, le branle, la gigue, le fandango et même le hornpipe. Il bondissait. Maintenant, il ne fait plus que ça. Savez-vous comment il l'appelle? La mort du lampiste. Le cancer des vieillards. La danse du filet. Il se croit empêtré dans un filet. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que je disais? Attendez. Ça alors. Aidez-moi! Je cherche. Moi aussi. Attendez! Ah! Il a trouvé. Alors? Pourquoi ne dépose-t-il pas ses bagages? Mais non. Vous êtes sûr? Ben voyons, vous nous l'avez déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Il nous l'a déjà dit. D'ailleurs, il les a déposés. C'est vrai. Et après? Puisqu'il a déposé ses bagages, il est impossible que nous ayons demandé pourquoi il ne les dépose pas. Fortement raisonné. Et pourquoi les a-t-il déposés? Voilà. Afin de danser. C'est vrai. Rien ne se passe. Personne ne vient, personne ne s'en va. C'est terrible! Dites-lui de penser. Donnez-lui son chapeau. Son chapeau? Mais il ne peut pas penser sans chapeau. Donne-lui son chapeau. Moi, après le coup qu'il m'a fait, jamais. Je vais le lui donner, moi. Qu'il aille le chercher. Il vaut mieux le lui donner. Je vais le lui donner. Il ramasse le chapeau et le tend à Lucky, qui ne bouge pas. Il faut le lui mettre. Dites-lui de le prendre. Il vaut mieux le lui mettre. Je vais le lui mettre. Il contourne Lucky avec précaution, s'en approche doucement par derrière, lui met le chapeau sur la tête et recule vivement. Qu'est-ce qu'il attend? Éloignez-vous! Pense pas! Lucky se met à danser. Arrête! Avance! Là! Pense! D'autre part, pour ce qui... Arrête!